Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'une femme politique qui a marqué l'histoire du XXe siècle. C'est le destin d'une dame de fer, mais pas celle à laquelle vous pensez, non. Ce n'est pas Margaret Thatcher, qu'on surnommait ainsi, mais Indira Gandhi, qu'on aurait pu surnommer dame d'acier. Et puis, ce n'est pas le Royaume-Uni, mais une ancienne colonie de ce pays, l'Inde. En 1966, Indira devient la deuxième femme dans l'histoire à diriger un État, et pas des moindres. La plus grande démocratie du monde, en termes de population, 500 millions d'âmes à l'époque. Le défi est immense. Il faut développer l'économie et l'industrie, sortir de la pauvreté et contrôler la natalité galopante. Indira Gandhi est née pour diriger. Fille unique de Nehru, le premier ministre de l'Inde, elle passe son enfance à fréquenter toutes les figures de la lutte pour l'indépendance et notamment le Mahatma Gandhi. Si elle porte ce nom mythique, ce n'est que par le hasard du mariage, mais évidemment, ce patronyme l'aidera tout au long de sa carrière politique. Gandhi, un nom qui rassemble et qui fait presque consensus dans un pays 5 fois grand comme la France, où se côtoient hindous, chrétiens, sikhs, musulmans et bouddhistes, et où l'on compte des centaines de langues. Enfin, sur le terrain géopolitique, entre alliances de circonstances et participation au mouvement des pays non alignés, Indira Gandhi trouve un positionnement original qui permet à l'Inde de se frayer une place sur la scène internationale. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Octobre 1984. La campagne électorale est lancée. Pour Indira Gandhi, c'est déjà la 5e. Une habitude pour cette femme qui occupe le poste de Premier ministre depuis une quinzaine d'années. Ce jour-là, elle se déplace dans un état du sud de l'Est. De l'Est, l'Orissa. Elle arrive en hélicoptère, monte dans un 4x4 décapotable, se tient debout et défile devant la foule. Un homme tient une ombrelle au-dessus d'elle pour la protéger du soleil. Elle descend de la voiture et distribue à la chaîne des bouquets de fleurs à ses sympathisants. Quand elle prend la parole sur une estrade face à une immense assemblée, elle prononce ces mots. « Je suis ici aujourd'hui, mais je ne serai peut-être plus là demain. Lorsque je mourrai, chaque goutte de mon sang renforcera et donnera vie à l'Inde. » Indira pense-t-elle à sa mort ? Apparemment oui. Depuis qu'elle a ordonné l'attaque d'un temple sikh la même année, en représailles à des extrémistes indépendantistes, elle reçoit de nombreuses menaces. Le lendemain, de retour à New Delhi, une nouvelle journée chargée l'attend. Le soir, c'est dîner avec le président. Elle demande à ses domestiques de préparer sa tenue de soirée. Elle est pressée. Ce matin, elle doit donner une interview à l'acteur et metteur en scène britannique Peter Ustinov. Vers 9h15, Indira Gandhi sort de sa maison vêtue d'un sari orange. Elle traverse le jardin de sa résidence pour rejoindre son bureau situé dans une sorte de Trianon. Depuis les menaces de mort qui se font pressantes, sa sécurité était renforcée. Au bout d'une allée, 2 de ses gardes du corps sikhs l'attendent. Arrivé à leur hauteur, l'un d'eux dégaine son pistolet et la met en joue. Indira le connaît bien, elle lui lance « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ?» Pour seule réponse, l'homme tire. Le deuxième garde du corps fait feu à son tour, criblé de balles. La première ministre indienne s'écroule. Tous les gardes de la résidence se précipitent. Ils abattent l'un des tueurs et blessent grièvement le second. Au même moment, les domestiques d'Indira la transportent d'urgence à l'hôpital dans un taxi. Malgré les 30 projectiles qui l'ont atteinte, son cœur bat encore. La suite est racontée dans le journal d'Antenne 2. La tentative des 12 médecins et chirurgiens a duré plus de 12 heures. C'est à 13h20, heure locale, 8h50, heure française, que la nouvelle a été annoncée au monde. Indira Gandhi, Premier ministre de l'Inde, est morte. Elle a été assassinée. La fille du pandit Nehru semble avoir été la victime de la véritable rébellion de la secte sikh. Un coup de téléphone anonyme a revendiqué l'attentat auprès de l'agence Associated Press de New Delhi. Le mystérieux correspondant a déclaré « Nous avons pris notre revanche, longue vie à la religion sikh ». Il n'a donné cependant aucun élément qui aurait pu authentifier la revendication. Les sikhs les plus ultra avaient crié vengeance après l'assaut donné contre le temple d'Amritsar. Leur représentant à Londres en ce moment exulte. Les sikhs les plus extrémistes ont obtenu ce qu'ils voulaient, se venger d'Indira Gandhi qui a ordonné 5 mois plus tôt l'attaque du temple d'or, la Mecque du sikhisme. Un épisode qui s'était soldé par un carnage avec des centaines de morts, dont de nombreux pèlerins. Dès l'annonce de l'assassinat d'Indira Gandhi, le pays est en état de choc. Les magasins ferment leurs rideaux. 12 jours de deuil national sont décrétés. 750 millions d'Indiens ont les yeux rivés sur leur poste de télé où les appels au calme se succèdent. Car dès l'annonce des drames, des vagues de violence éclatent dans tout le pays. On veut désormais se venger des sikhs. Alors, d'atroces scènes de lynchage se multiplient et des milliers de sikhs sont tués. Sur les écrans de télé, les pandites hindous, les mollahs musulmans et l'archevêque de New Delhi se relaient pour délivrer des messages d'apaisement. Le 3 novembre 1984, c'est le jour des funérailles d'Indira Gandhi. Madame, Monsieur, bonsoir. Les humbles et les puissants, les Indiens de toute caste, les rois, les chefs d'État et de gouvernement, ils étaient 1 million ce matin à célébrer le dernier sacre d'Indira Gandhi, le sacre funéraire. Selon le rite hindou, le corps du Premier ministre, assassiné mercredi dernier, a brûlé dans le Santal au moment même où, pour la dernière fois, les rayons du soleil caressaient son visage. Le cortège funéraire est à la hauteur de ce qu'Indira Gandhi représente pour les Indiens. Plus 1 million de personnes qui l'appelaient la mère ou la déesse sont venues l'accompagner dans son dernier voyage. Une longue procession de 15 kilomètres, parcourue en 4 heures, encadrée par 6000 militaires et policiers pour contenir la foule qui scande, Indira Gandhi. Arrivé sur le bûcher, c'est le fils d'Indira, Rajiv Gandhi, devenu premier ministre, qui met le feu au corps de sa mère selon la tradition hindoue. Une partie des cendres est dispersée dans le Gange à Benares, l'autre placée dans une urne et logée ensuite dans un mausolée. Car depuis 1966, l'histoire de l'Inde et d'Indira ne font qu'un. C'est sa vie que nous allons vous raconter. À New Delhi, le Parlement indien, lui aussi, a innové en désignant une femme, Madame Indira Gandhi, comme chef du gouvernement. Collaboratrice de son père, le Pandit Nehru, pendant 25 ans, ministre de l'information dans le cabinet de M. Shastri, elle a pu donner la mesure de son intelligence et de sa fermeté. Dans une période difficile, elle prend en main le destin de 450 millions d'Indiens. Dans ce reportage des actualités françaises de 1966, les Français découvrent une femme de 48 ans, la chevelure brune et son emblématique mèche blanche. En Inde, elle est connue comme le loup blanc, et depuis des années. Née en 1917, elle est la fille unique de Jawaharlal Nehru, héros d'indépendance. Depuis son plus jeune âge, donc, Indira est préparée à l'exercice du pouvoir. Issue d'une famille de Brahmanes, la plus haute caste hindoue, elle est aussi la petite fille de Motilal Nehru, l'un des premiers activistes pour l'indépendance et leader du Parti du Congrès. Dès l'âge de 2 ans, Indira côtoie également le Mahatma Gandhi, autre figure de la lutte pour l'indépendance et apôtre de la non-violence. À 3 ans, elle assiste déjà à une réunion politique. À 8 ans, elle inculque à ses poupées le principe de la désobéissance civique. À 12 ans, elle organise une brigade d'enfants qui participe à la résistance non-violente contre les Britanniques. Mais Indira est une enfant très seule. Elle n'a ni frère ni sœur et ses parents sont fréquemment emprisonnés. Mais elle échange de nombreuses lettres avec son père qui en profite pour lui enseigner l'histoire mondiale. Pendant toute son enfance, Indira est éduquée dans les meilleurs établissements. Sa mère, tuberculeuse, se fait soigner en Suisse. Alors sa fille rejoint l'école internationale de Genève, puis celle de Bex. À son retour en Inde, Indira entre en pension à l'école de Santiniketan, fondée par le poète Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature. En 1935, Indira et sa mère, gravement malades, retournent en Europe. En février 36, la mère d'Indira décède. Malgré le chagrin, la jeune femme de 18 ans travaille d'arrache-pied pour préparer le concours d'entrée de la célèbre université d'Oxford. Après 2 échecs, la 3e tentative est la bonne. Avant la rentrée universitaire, Indira se rend à Paris en compagnie de Feroze Gandhi, qui n'a aucun lien de parenté avec le Mahatma. Ce jeune homme lui fait la cour depuis des années. Devant le Sacré-Cœur, à Montmartre, Feroze formule sa demande en mariage. Indira accepte, tout en sachant que cette décision va déclencher une grande colère en Inde. Car Feroze n'est pas hindou, mais de confession zoroastrienne, un monothéisme créé en Iran au premier millénaire avant Jésus-Christ par le prophète Zarathoustra. Indira revient sur ce mariage compliqué des années plus tard au micro de France Inter. Quand je me suis mariée, c'était un homme qui n'était pas de mon religion. Il était pauvre. Alors j'ai eu toute, pas la famille, enfin pas mon père, mais tous les autres gens étaient très très fâchés. Et j'ai reçu des millions de lettres partout l'Inde. On va vous couper votre gorge, on va faire ça, toute espèce. Et puis pourquoi vous ne pouvez pas trouver un hindou à marier, tout ça. Puis j'avais un tout petit peu peur de ma grand-mère, de lui faire mal, vous savez. Parce que ma mère était déjà morte. Et j'aimais beaucoup ma grand-mère. Mais quand je lui ai dit tout ça, elle a dit non, non, c'est, tout ça, c'est, ça va. La chose qui est difficile est que tu es habitué à une vie confortable. Comment est-ce que tu vas vivre si vous n'avez pas de l'argent? Alors je dis, mais je peux gagner de l'argent. Elle n'a pas dit, non, il ne faut pas faire ça. Elle a dit, tu as de la chance, tu peux faire ça. En autre temps, on ne pouvait pas. 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 15 août 1947, le Parti du Congrès obtient l'indépendance de l'Inde. Dans le même temps, sous la pression de la Ligue musulmane, un autre pays est créé, le Pakistan, constitué de 2 territoires, un à l'ouest, le Pakistan actuel, et un à l'est, le futur Bangladesh. Nous y reviendrons. Le Mahatma Gandhi, farouchement opposé à la partition du pays, accepte à contre-cœur pour éviter une guerre civile. Mais la création de 2 États n'empêche pas le chaos, et le bilan est terrible. Près de 500 000 morts et 15 millions de déplacés. Les musulmans partent au Pakistan, les hindous partent en Inde. 6 mois après l'indépendance, le Mahatma Gandhi est assassiné par un nationaliste fanatique hindou qui lui reproche d'avoir affaibli son peuple face aux musulmans. Le jour même, Jawaharlal Nehru, devenu premier ministre, s'adresse aux Indiens à la radio. « Amis et camarades, leur dit-il, la lumière a quitté nos vies, l'obscurité est partout, et je ne sais pas trop quoi vous dire et comment vous le raconter. » Eh bien, notre dirigeant bien-aimé, Bapu, comme nous l'appelions, le père de la nation, n'est plus. En 1949, Jawaharlal Nehru, devenu veuf, demande à sa fille Indira de l'accompagner lors d'un voyage officiel aux États-Unis. Elle se rend très vite indispensable et s'installe auprès de son père dans la résidence du Premier ministre, tout en s'occupant de ses 2 jeunes garçons. En 1959, elle commence donc sa carrière politique. Elle est élue présidente du Congrès, le parti au pouvoir. 1 an plus tard, son mari, Feroze Gandhi, meurt. 4 ans plus tard, c'est son père, Jawaharlal Nehru, qui succombe à son tour. Malgré ses deuils, Indira Gandhi, pressentie pour reprendre le poste de premier ministre, fait son entrée au gouvernement comme ministre de l'Information. Elle se distingue, notamment par ses interventions lors de la 2e guerre indo-pakistanaise en 1965, après celle qui s'est déroulée lors de l'indépendance des 2 pays. Elle répond aux questions des journalistes de l'émission Panorama et s'explique sur ce conflit. Je pense que ce n'est pas juste dire que nous voulons la guerre, mais c'est vrai qu'il y a eu une petite guerre toutes ces années. Et tout le temps, nous disons, s'il vous plaît, venez pas ici, et nous sommes très polis, et nous avons trouvé que ça ne marche pas. Vous ne pensez pas que c'est un paradoxe pour un peuple comme le vôtre, qui est réputé comme un peuple non violent, de vouloir cette violence? Mais comme je vous ai dit, monsieur, nous ne voulons pas la violence. Mais si quelqu'un entre dans la maison, on ne peut pas dire, vous pouvez looter, prendre tout ce que vous voulez dans ma maison. Venez, on ne peut pas dire ça, non? Le 10 janvier 1966, l'Inde et le Pakistan signent des accords de paix à Tashkent, en Ouzbékistan, sous l'égide de l'URSS. Le lendemain, le premier ministre indien, Lal Bahadur Shastri, meurt d'un infarctus. Deux semaines plus tard, Indira est propulsée premier ministre par le parti du Congrès qu'il a choisi en espérant pouvoir la manipuler, classique. Mais Indira s'impose très vite et se lance dans les nombreux défis qui l'attendent, le plus urgent étant la famine qui frappe une grande partie du pays. En 1969, elle répond à des journalistes français sur la difficulté de sa tâche. Ma tâche est énorme, mais en même temps passionnante. Mais vous n'avez pas quand même parfois des moments de découragement? Non, parce que je suis plein d'espoir et j'ai confiance dans le peuple indien et dans l'avenir de mon pays. Mais il ne vous arrive pas de penser quelquefois, oh, mais c'est une tâche trop grande, c'est presque impossible pour moi? Rien n'est impossible. Si je peux paraphraser, peut-être c'est Racine, je ne suis pas sûre, n'est-ce pas qu'il a dit, à qui venge son père, il n'y a rien d'impossible. Alors moi je veux dire, à qui sert son peuple, il n'y a rien d'impossible. Même si dans cette archive elle confond Racine et Corneille, elle sait très bien mener sa politique, à l'international notamment. Fidèle à son père, elle garde le cap du non-alignement et refuse de se mettre sous la coupe des Américains ou des Soviétiques. Cette maîtrise de la géostratégie, elle va en faire la démonstration lors d'un troisième conflit avec le Pakistan. Alors qu'elle remporte les élections de 1971, elle doit faire face à une situation explosive chez son voisin pakistanais coupé en deux. À l'Est, le vainqueur des élections demande l'autonomie de son territoire, le futur Bangladesh, peuplé majoritairement de Bengalis. La réponse des pouvoirs centrales est brutale. 3 millions de civils sont tués, 200 000 femmes violées et près de 10 millions de réfugiés fuient en Inde. Fort de leur alliance avec les Américains et les Chinois qui sont en pleine période de rapprochement diplomatique, les dirigeants du Pakistan occidental jouissent d'un sentiment d'impunité. En août 71, à la surprise générale, Indira Gandhi signe un traité de coopération militaire avec l'URSS pour se préparer à la guerre. Elle joue d'abord la voie diplomatique. En novembre, elle se rend en France et discute avec André Malraux, qui rend compte de son sentiment à propos du conflit indo-pakistanais devant les journalistes. Il y a un certain temps qu'à la radio et à la télé française, on parle pour ne rien dire, et je vais vous parler sérieusement. Madame Gandhi prend entre ses mains 9 millions de malheureux agonisants. Alors ce que j'ai à vous dire, et je n'ajouterai rien, c'est la femme qui est ici a pris dans ses mains la misère humaine et en face, il n'y avait rien. Moins d'un mois plus tard, l'aviation pakistanaise attaque des bases aériennes indiennes. Pour l'Inde, préparée au conflit, c'est le signal pour entamer les hostilités. Son armée est bien supérieure à celle du Pakistan. Le 4 décembre 1971, 160 000 militaires indiens envahissent le Pakistan occidental. En quelques jours, l'Inde est victorieuse. Les États-Unis, qui ont peur que leur allié pakistanais ne s'écroule complètement, envoient leur porte-avions à propulsion nucléaire USS Enterprise. Les Américains redoutent plus que tout que l'Inde s'attaque à la partie occidentale du Pakistan et au Cachemire. Finalement, un cessez-le-feu est signé qui donne naissance à un nouveau pays, le Bangladesh. Dans les rues de New Delhi, on célèbre la victoire éclatante face à l'ennemi pakistanais. Indira Gandhi est à l'apogée de sa gloire. Elle a su tenir tête aux Américains et aux Chinois. Elle est saluée au Parlement indien. Et le nouvel ambassadeur du Bangladesh la présente comme la championne de la liberté et de la démocratie. Are honoring one of history's greatest statesmen. The Prime Minister of India, the champion of democracy, the champion of liberty, Mrs. Indira Gandhi. Trois ans plus tard, en 1974, l'Inde réussit sa première explosion atomique. C'est évidemment un atout considérable pour prendre ses distances avec les deux grands, américains et soviétiques, pour affirmer sa position de pays non aligné. Mais dans les affaires intérieures, les difficultés s'accumulent. Après le choc pétrolier de 1973, la situation économique est mauvaise, comme partout. Et l'inflation atteint des niveaux records comme nulle part. L'Inde doit également faire face à une guérilla maoïste qui sévit dans le sud-est du pays et à une grève des employés des chemins de fer. Pour couronner le tout, l'opposition accuse Indira Gandhi de favoriser la corruption par le biais de l'attribution de licences gouvernementales qui permettent la création d'entreprises. Corruption et népotisme, car le fils cadet d'Indira, Sanjay Gandhi, a obtenu une licence pour la construction d'une usine automobile. Le 12 juin 1975, nouveau coup dur pour Indira. Suite au procès intenté par un adversaire politique, elle est jugée coupable de fraude électorale et déclarée inéligible pour 6 ans. Et toute l'opposition demande sa démission. Mais Indira Gandhi refuse de lâcher le pouvoir, quitte à sacrifier la démocratie. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Juin 1975, condamné par la justice, pressé de démissionner par l'opposition, Indira Gandhi abat sa dernière carte, l'état d'urgence. Dans la nuit du 25 au 26 juin, les sièges de tous les journaux de New Delhi sont privés d'électricité. La même nuit, 600 membres de l'opposition sont arrêtés. En usant de cette méthode brutale, Indira bafoue tous les principes démocratiques. Et elle ne s'arrête pas là. Les manifestations sont interdites et les élections sont annulées. Pour appliquer cet état d'urgence, elle peut compter sur la loyauté de l'armée après tout. C'est sous son commandement que l'Inde a infligé une défaite au Pakistan. En 71, ça laisse des traces. En 76, face à des journalistes français, Indira Gandhi explique les raisons pour lesquelles elle a imposé cet état d'urgence. Les élèves n'étudiaient pas, les professeurs n'enseignaient pas, les ouvriers étaient presque toujours en grève. Le pays allait très vite vers l'anarchie. Mais pour arrêter l'anarchie, vous avez touché à la démocratie. Non, nous n'avons pas touché à la démocratie, parce que même après la déclaration de l'emergency, nous avons eu le Parlement et tous les partis étaient là. C'est seulement quelques-uns qui sont les détenus. Combien de vos opposants politiques sont en prison? On ne donne pas le chiffre. Il y en a beaucoup? Enfin, beaucoup, ça dépend. Parce que pour, si vous voyez notre population ou même le membre de Parlement, c'est un tout petit nombre. Indira, cramponnée au pouvoir, sûre d'elle-même, verse même dans le culte de la personnalité. Et le slogan « Indira is India » and « India is Indira » est répété, diffusé par tous les membres de son parti. Et puis, comme son père Nehru et comme le Mahatma Gandhi, Indira perpétue la cérémonie du Darshan. Chaque matin, des centaines de visiteurs se rendent dans sa résidence. De l'Inde entière viennent des femmes, des enfants, des politiciens, des scientifiques. La plupart ne font qu'apercevoir Mother India, rien de plus. Certains ont le droit à une photo, les plus chanceux s'entretiennent avec elle et lui offrent des fleurs, des cadeaux ou parfois même des chèques. Si elle donne cette image accessible aux yeux de tous, dans la sphère privée et dans le cercle de ses proches, Indira, en revanche, fait le ménage. Un à un, elle écarte tous ses conseillers politiques pour ne faire confiance qu'à un seul homme, son fils cadet, Sanjay. Âgé de 29 ans, c'est un jeune homme arrogant, sûr de lui et de sa lignée, les Nehru Gandhi. Passionné de voitures et d'avions, Sanjay va vite s'occuper de politique. Il devient chef des jeunesses des congrès, le parti au pouvoir, et c'est lui qui est à la manœuvre dans la chasse aux opposants, dans la délocalisation des bidonvilles, également, qui se déroule violemment. Il est également à la manœuvre dans une campagne de stérilisation très controversée. Pour endiguer la natalité, Indira Gandhi et son fils donc décident de stériliser plus de 5 millions d'hommes en 2 ans. Les médecins, qui le gouvernement a promis des primes et des logements, forcent la main à de nombreux Indiens. Une journaliste indienne décrit toute cette période à ses confrères français. Il y a des gens qui ont dit qu'elle était comme un dictateur, mais c'était aussi son fils qui n'avait pas raison d'être dans la scène politique, qui avait sa clique, ses hommes, les gens qui étaient un peu comme les gangsters. Dans les villes, par exemple, il y a eu les démolitions des habitations des pauvres. Et c'était fait une nuit, il y avait les camions qui venaient et puis tout d'un coup tout a été démoli et ils ont été amenés très loin des endroits où ils travaillaient. Et pour la presse, c'était l'autocensure et même la censure, parce que souvent les papiers qu'on écrivait, on devait les envoyer au presse bureau. En 1977, Indira Gandhi décide de renouer avec la démocratie contre l'avis de son fils. Elle libère les opposants politiques et organise des élections qu'elle pense gagner, évidemment. Et quand les résultats tombent, en mars, c'est la douche froide. La défaite est totale, sans appel. C'est son opposant historique, Morajit Desai, qui devient premier ministre grâce à une large coalition allant de la droite hindoue à la gauche communiste. Le 13 septembre 1977, le nouveau ministre de l'Intérieur affirme avoir des preuves pour inculper Indira Gandhi. Une sorte de vengeance. Elle est même envoyée quelques jours en prison. Un an plus tard, elle est élue députée dans le Karnataka, un état du Sud où son parti demeure influent. Mais le Parlement annule son élection. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Indira Gandhi ne s'avoue jamais vaincue. En 1980, nouvelle année d'élection générale en Inde. Pour s'assurer la victoire, Indira Gandhi ne lésine pas sur les moyens et mène une campagne qu'on pourrait qualifier de campagne à l'américaine. Rappelons-le, l'Inde est un territoire grand comme 5 fois la France et une population qui atteint cette année-là les 700 millions d'habitants. Alors Indira Gandhi sillonne le pays de meeting en meeting. Pendant 3 mois, elle se lève à 5 heures chaque matin pour se rendre en avion ou en hélicoptère aux 4 coins du pays. Du nord au sud, d'est en ouest, elle parcourt plus de 100 000 kilomètres. Indira Gandhi, Indira Gandhi, Indira Gandhi, Indira Gandhi, Eski Neta, Indira Gandhi, Eski Neta, Indira Gandhi. À chaque visite, elle ne manque jamais la visite du temple et de la mosquée. Elle est acclamée à chacune de ses apparitions. Pour les Indiens, Indira Gandhi, c'est un peu l'équivalent du général de Gaulle. Lorsque les électeurs sont appelés aux urnes, ils ont le choix entre 2 dessins sur les bulletins de vote. Oui, des dessins. Car 70% de la population est analphabète. Une main ouverte pour Indira Gandhi, un laboureur pour le parti Janata de Jagjivan Ram. Si l'on met de côté le taux d'abstention énorme, 50%, c'est quand même un raz-de-marée électoral pour Indira. Un retour triomphal. Après avoir obtenu les deux tiers des sièges à l'Assemblée, sa marge de manœuvre est immense. Elle peut même changer la Constitution. Elle se confie à des journalistes français, justement, sur les objectifs de son nouveau mandat. Madame Gandhi, votre victoire devient un véritable triomphe. Est-ce que vous vous attendiez à obtenir un si grand nombre de sièges? Oui. Vous n'êtes pas surprise? Non, pas du tout. Vous avez toujours eu confiance? Oui. Toujours. Now that you've come back to power, maintenant que vous êtes revenu au pouvoir, quelle va être votre principale tâche? Le problème essentiel pour l'Inde, c'est la pauvreté. Et mon objectif a toujours été de faire de l'Inde un pays fort et stable, qui ne soit plus jamais humilié. Indira est confiante, comme toujours. Même si la situation économique est compliquée par le second choc pétrolier, elle veut s'attaquer à la pauvreté. Côté diplomatique, les soviétiques envahissent l'Afghanistan. Eh bien, elle condamne, à demi-mot, et pointe du doigt les Américains qui ont, eux aussi, envahi le Vietnam. Les deux grands sont ainsi renvoyés dos à dos. Mais cette confiance en l'avenir va être brisée par un drame familial. Quelques mois après le triomphe électoral de sa mère, le 23 juin 1980, Sanjay Gandhi trouve la mort dans un accident d'avion. Indira est dévastée. Après son mari, son père, elle perd son fils cadet qu'elle avait choisi comme successeur. Se méfiant de tout le monde dans son entourage, elle décide alors d'appeler à ses côtés son fils aîné, Rajiv Gandhi. Ce pilote d'avion n'a aucune attirance pour le monde politique et surtout aucune expérience. Mais Indira n'a confiance qu'en lui et ne jure que par la dynastie Nehru Gandhi, pas très démocratique. Les opposants politiques en profitent une nouvelle fois pour dénoncer le népotisme de la dame. Cela dit, c'est une opposition d'un autre genre qui va marquer son nouveau mandat. Et nous revenons ici au tout début de notre récit, au moment de la mort d'Indira Gandhi. En ce début d'année 80, un mouvement séparatiste sikh réclame la création d'un État indépendant, le Khalistan. Les extrémistes sikhs mènent des actions violentes dans tout l'État du Punjab et prennent le contrôle du temple d'or d'Amritsar, la Mecque de la religion sikh. Le 5 juin 1984, Indira Gandhi ordonne le lancement de l'opération dite « Blue Star ». Il s'agit de déloger les extrémistes du Temple d'Or. En les encerclant, l'armée indienne pense qu'ils vont se rendre. Mais les Sikhs sont lourdement armés et prêts à se défendre jusqu'à la mort. Le siège dure 3 jours et l'opération « Blue Star » débouche sur un carnage. Près 1 000 000 de personnes trouvent la mort dans les deux camps, mais aussi parmi les pèlerins sikhs. Le 12 juin 1984, Jagjit Singh, un indépendantiste sikh en exil à Londres, est interviewé par la BBC. Son message est sans ambiguïté. That anybody who has done any sacrilege to this holy place of the Sikhs, quiconque a profané ce lieu saint de la religion sikh n'est plus autorisé à être en vie. I am afraid, very soon, you will see. Je crains bien que très prochainement, vous allez voir quelqu'un, quelque part, va tuer Madame Gandhi et toute sa famille. Cette menace de mort n'impressionne pas Indira Gandhi. Elle n'a pas peur et elle le dit dans une interview. J'ai toujours vécu avec le danger et je pense que j'ai eu une belle vie. Cela ne fait aucune différence si je meurs dans mon lit ou debout. Malgré les menaces, Indira Gandhi refuse d'écarter les sikhs de sa garde personnelle. Le 31 octobre 1984, c'est l'un de ses gardes du corps les plus proches qui l'assassine, un homme en qui elle avait toute confiance. Cette histoire nous montre à quel point, loin des clichés sur la non-violence, l'Inde est un pays secoué régulièrement par des agitations brutales, des massacres, des lynchages, des assassinats. À la mort d'Indira Gandhi, c'est son fils, Rajiv, qui lui succède. Et comme sa mère, il va être assassiné, cette fois par des indépendantistes tamouls. Toutes ces tragédies, dont l'accident d'avion du fils cadet Sanjay, ont amené la presse à les surnommer les Kennedy indiens. Mais la dynastie Nehru Gandhi, qui a dirigé quasiment sans discontinuité le pays de 1949 à 1989, ne s'est pas éteinte, elle. Fin 2017, 90 ans après son arrière-arrière-grand-père, Rahul Gandhi prend la tête du parti du Congrès. C'est comme ça en Inde. La plus grande démocratie du monde, par le nombre d'habitants, perturbe sérieusement notre grille de lecture occidentale, l'idée même que nous nous faisons de la démocratie dans nos contrées. without going out of my door. I can know all things on earth without looking out of my window. I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows, the less one really can know all things on earth without looking out of your window. You can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows, the less one. Arrive without traveling. See all without looking. Do all without doing. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Indira Gandhi, notre invité Christophe Jaffrelot. Bonjour. Bonjour. Spécialiste de l'Inde et du Pakistan, directeur de recherche au CEFI Sciences Po et au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages sur l'Inde d'hier et d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'en ai deux en main, sous la direction, sous votre direction, l'Inde contemporaine et vous, Christophe Jaffrelot, l'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique. Notion sur lesquelles, bien sûr, on va revenir. On va parler de la famille d'abord, hein, parce qu'il y a une histoire de famille quand même, en Inde. Quel rapport Indira Gandhi avait-elle avec son père, Nehru d'abord? Un rapport très étroit, malgré le peu de temps que Nehru a pu passer avec sa fille, car il faut vous dire qu'il a passé 9 ans et demi de sa vie en prison, Nehru, et donc loin d'elle, loin de sa famille. Elle-même était au chevet de sa mère en Suisse lorsqu'elle était malade dans un sanatorium soignée pour, comme on le sait, une maladie qui l'emportera en 36. Et néanmoins... La tuberculose. Mmh. Et néanmoins, ils étaient très proches, puisque Nehru lui écrivait depuis sa prison des lettres qui avaient vocation à l'éduquer. Et ces lettres, ça a fait un livre, Glimpses of World History, donc une vision du monde, où il raconte l'histoire du monde à sa fille, pour qu'elle sache dans quel univers elle évolue. Et c'est un livre qui l'a accompagné toute sa vie. Et les deux fils? Alors, ouais, ça, une mère c'est... proche de ses fils, évidemment, et qui connaît le drame. Quoi. Ils sont tout à fait différents l'un de l'autre. Sanjay est le raté de la famille, celui pour lequel elle a un sentiment de culpabilité indescriptible, et donc qui va expliquer beaucoup des errements politiques des années 75-77, hein, quand elle va établir l'état d'urgence. C'est un enfant qui aura d'abord souffert, pense-t-elle, et sans doute à juste titre, de n'avoir pas vécu avec sa mère, mais d'avoir été sans cesse de pensionnat en pensionnat. Indira était toujours auprès de son père de par le monde, donc elle ne s'occupait pas de ses enfants. Ouais. Et Sanjay s'est retrouvé ainsi en boarding school, dans des très belles écoles, hein, mais pense-t-elle, amputée affectivement, et du coup ça va donner la dérive que l'on a vue dans le reportage, enfin dans l'émission, qui débouche donc sur ces violences. Rajiv est très différent. Rajiv va très vite se stabiliser, ne pas faire de politique, ne pas vouloir rester sur place. Mmh. C'est un pilote d'avion, il a fait ses études à Cambridge, il y a rencontré Sonia Gandhi, enfin Sonia qui va devenir Sonia Gandhi, une Italienne de Turin. C'est une autre vie. Alors, puisqu'on parlait de famille, quelle est donc cette démocratie qui fonctionne sur le népotisme et cette société de caste où l'on ne peut sortir de sa condition, hein, c'est l'exact contraire de l'égalité des chances. Donc, quelle est donc aussi cette république? Je veux dire par là que notre grille de lecture occidentale apparemment a de sérieux problèmes avec la réalité indienne. Oui, non, il est certain qu'il faut ajuster nos lentilles de vision, oui. Si j'ose dire. La dimension lignagière, d'abord, est effectivement très importante. Et je préfère parler de lignée que de dynastie, parce que une dynastie, cela suggère que on se succède de père en fils ou de père en fille, sans avoir à disputer des élections, ce qui n'est pas le cas en Inde. On a beau être d'un beau pédigré, eh bien, il faut quand même attirer les électeurs au moment des élections, et on perd parfois les élections. Indira a perdu élections, et ses descendants encore plus. Mais la lignée, oui. Ça compte. Et alors ça compte au niveau, au sommet de l'État, mais ça compte aussi au niveau provinciaux. Tous les partis régionaux sont des partis familiaux. Et ça va de pair avec la caste au sens où on a tendance à refaire les métiers ou à faire les métiers que ses parents faisaient. Ça, c'est un déterminisme professionnel et social qui est clair et net. Que vous trouvez, par exemple, dans le monde des affaires. Le monde des affaires indien, il a beau être couronné par des multinationales qui brassent des milliards. Genre Mittal. Mittal, exactement. Mittal, qui a mis son fils de 29 ans à la tête des finances du groupe quand il a racheté Arcelor. Mais tous, hein, les Tata, les Ambani, vous trouvez un groupe et derrière, c'est une famille. Il n'est pas question que l'on fasse sortir de la famille le capital. Et ça se retrouve du côté des hauts fonctionnaires. Hein, on est hauts fonctionnaires, ou en tout cas fonctionnaires de père en fils en Inde aussi. Donc il y a là quelque chose d'assez classique, mais évidemment, qui perturbe nos catégories au sens où... il n'y a pas de démocratie interne aux partis politiques, c'est là le premier problème en Inde. Mmh. Il n'y a pas d'élection, et d'ailleurs c'est Indira qui est la première va arrêter de faire voter les militants pour désigner les chefs. Jusqu'en 72, on a encore des élections internes. À partir de 72, elle désigne elle-même les responsables du parti au niveau national comme au niveau régional. Donc là, c'est un premier, première entorse. Caveat, voilà. Il y en a un deuxième, comme vous le dites, qui est lié à la caste, où l'individu est subordonné au groupe. Alors, avec là un bémol intéressant, c'est que ce groupe, la caste, a aussi permis aux plus démunis de se constituer en association. De faire bloc, en quelque sorte, de faire nombre. Et faire nombre en démocratie, eh bien, ça aide, parce qu'on a un homme qui fait une voix, normalement. Oui, et donc, on a vu, dans les années 90, les basses castes se constituer en groupe d'intérêt et déloger, petit à petit, au niveau des États, au niveau provincial, les brahmanes, les hautes castes du pouvoir. Ce qui d'ailleurs explique, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, la montée d'un populisme hindou, parce que en quelque sorte, pour désamorcer cette montée de la plèbe, eh bien, il fallait trouver une parade idéologique. Alors, puisqu'on, surtout pas qu'on passe à côté de cet élément très important que vous venez de pointer, un populisme. L'Inde aujourd'hui est dirigée par Narendra Modi, d'accord ? Il s'en prend notamment aux musulmans et aux chrétiens dans une sorte de national populisme au service des hindous. On est bien d'accord. Oui, mais ceux qui en profitent le plus, ce sont quand même les hindous de haute caste. En plus. C'est-à-dire que l'idée, mais qu'on retrouve chez de nombreux nationaux populistes, hein, Trump succède à Obama, qui faisait craindre que les Noirs et les Hispaniques prennent du pouvoir. Bolsonaro succède à Lula, qui faisait craindre que la plèbe, elle aussi, monte en gamme. Là, Modi, il est celui qui permet de trouver un discours nationaliste hindou, qui gomme les différences sociales. Ne pensez plus en termes de caste, ne pensez plus en termes de classe. Pensez d'abord que vous êtes hindou et que nous avons un ennemi commun qui est le musulman, et au-delà le Pakistan qui est le pays musulman par excellence. Donc c'est une façon de désamorcer les risques de révolution sociale, le mot est un peu fort, mais en tout cas de transformation sociale. Donc on peut parler national-populisme. Oui, vous validez, puisque c'est le sous-titre de votre livre, et de démocratie ethnique. Oui, parce que là, c'est le modèle israélien, hein, qui consiste à dire il y a des citoyens qui sont plus égaux que les autres. Hein. Ça, c'est du Orwell tout craché, mais Orwell n'a jamais été autant d'actualité depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a de la novlangue, hein, comme on dit maintenant à toutes les sauces. Des citoyens plus égaux que les autres, c'est le modèle israélien. L'idée suivant laquelle un peuple, fils du sol, a vocation à dominer, à, en quelque sorte, prévaloir sur d'autres citoyens qui sont des pièces rapportées et qui ne peuvent pas avoir autant de droits. Alors là, on le voit en ce moment, puisque une loi a été votée le mois dernier, consistant à dire que les personnes venues de l'extérieur qui seraient musulmanes ne pourraient pas être éligibles au statut de réfugiés en Inde. Alors que les hindous et les autres peuvent. Mais il reste à tout ce beau monde à transformer les pièces rapportées en valeur ajoutée. Hein, ça, c'est autre chose. Ce serait le projet initial de Gandhi si on voulait le réaliser. Mais c'est justement Gandhi que ces gens-là ont tué. Et d'ailleurs, j'étais en Inde la semaine dernière pour constater une chose qui va vous effarer. Cartier-Bresson avait fait les photos de Gandhi, les dernières photos de Gandhi. Ouais. Elles étaient dans le musée où il, du bâtiment où il a été assassiné. On vient de retirer ces photos pour que on n'ait plus de traces du fait qu'ils ont tué Gandhi. Et par ailleurs, Modi et Netanyahou, puisque vous parlez d'Israël, semblent concevoir la politique, et c'est un lien entre eux, un très commun, avant tout comme un rapport de force. Tout à fait. Hein, et ça rapproche ça. Ah, tout à fait. Mais là, Indira Gandhi est exactement sur le même mode. Hein. Indira Gandhi, c'est celle qui introduit la réelle politique comme véritable valeur cardinale. Autant Nehru avait des valeurs, et n'avait pas souhaité que sa fille lui succède, d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas sa fille qui lui a succédé. Il ne cherchait surtout pas à décider de qui lui succéderait. Autant, là, avec Indira, on est sur la politique à tout prix, la politique par tous les moyens, la concentration du pouvoir. Elle est aussi très peu sûre d'elle, elle manque de confiance en elle. Et du coup, elle n'aime pas qu'autour d'elle, des hommes qui pourraient lui faire de l'ombre prospèrent. Et peut-être aussi qu'elle a perdu les élections parce qu'elle avait le sentiment peut-être trop prononcé qu'elle se confondait avec l'Inde. Oui, mais ça c'est sa vocation première et c'est pour ça qu'elle a un tel goût du pouvoir. Elle est la fille du fondateur de la République indienne. Elle a vocation à gouverner. Et personne ne peut en dissuader. C'est pour ça qu'elle ne doute jamais de sa vocation politique et de son pouvoir. Simplement, une fois qu'elle l'a, elle l'impose sans partage. Et c'est elle qui va non seulement être la première à destituer des gouvernements régionaux bien plus nombreux qu'ailleurs, c'est elle aussi qui va faire en sorte que le Cachemire, l'Assam, le Punjab, avec les Sikhs, vont s'embraser parce qu'elle ne veut pas laisser des opposants gouverner ces provinces périphériques. Il y a une dimension que je ne voudrais pas laisser passer, c'est que ce Premier ministre était une première ministre, hein, Indira Gandhi, une femme, à l'époque je crois que c'est la deuxième femme à diriger un État, et bien, pas un petit État, l'Inde, c'est important. On va écouter ce qu'elle disait justement de cette position de femme et de la condition des femmes lors d'une interview réalisée en 1966. C'est vrai, la femme a changé beaucoup. La cause, c'est que pendant notre lutte pour l'indépendance, Mahatma Gandhi et mon père et les autres leaders ont donné une place à la femme. Et ce n'était pas seulement la femme de la ville, mais aussi la femme du village. Et alors, on a découvert que les femmes qui étaient pendant toutes ces années fermées dans leur maison, elles ont montré qu'elles avaient de la capacité de faire toute espèce de travail. Et vous pensez qu'il reste quand même encore beaucoup à faire pour Oui, naturellement, parce que même maintenant, il y a très peu de femmes. Il y a des femmes qui ont de très hautes positions, mais si vous voyez toute la population, alors il y a aussi des femmes qui n'ont pas changé beaucoup. Bien, on va passer à la politique internationale de l'Inde, hier et aujourd'hui. Hier nous renvoie au magistère d'Indira Gandhi. C'est donc la position du non-alignement. L'Inde est un pays important dans cette logique-là. En Europe, il y avait la Yougoslavie, Tito. Oui. Non-aligné, hein. Tout à fait. L'Inde, c'est un modèle, j'imagine, parce que c'est un grand pays. C'est même un des pionniers de cette stratégie, avec Nasser, avec Sukarno, dans les années 50, Nehru invente cette troisième voie, qu'il va réussir à tenir, que Indira aura plus de mal à tenir en raison de la proximité entre le Pakistan et les États-Unis, qui va l'amener à se rapprocher de l'URSS dans les années 70. Aujourd'hui, l'Inde a fait un virage complet, très proche des États-Unis, très très proche des États-Unis, qui voit en elle la meilleure façon de contrebalancer la Chine. Les États-Unis investissent en Inde avec cette conviction qu'elle fera pendant à la Chine. Et c'est là où on peut avoir des doutes, car l'Inde considère que la Chine, très grand voisin, très puissant, pourrait l'aider à se développer. Aussi parce que nul autre ne l'a vraiment aidé. Narendra Modi a lancé il y a 5 ans un grand programme qui s'appelait Make in India pour que nous investissions, nous occidentaux, en Inde. Il n'a pas été suivi d'effet. Aujourd'hui, l'Inde a vraiment besoin d'investissements, notamment dans les infrastructures qui sont toujours à développer. Et finalement, on se dit, c'est peut-être la Chine qui fera le job. D'où, en ce moment même, une tension très forte dans l'élite indienne entre ceux qui pensent que la Chine reste l'ennemi public numéro un et ceux qui pensent que c'est avec elle qu'on va pouvoir se développer. Et par exemple, ce débat a rebondi sur la question de la 5G qui, évidemment, est proposée par Huawei, le fabricant chinois, et que l'Inde a décidé de prendre à l'essai, ce qui est déjà un signe. Signe d'ouverture et de coopération. Voilà, et que les Américains vont interpréter comme un signe de d'ambiguïté. Alors, il reste une peur justifiée ou fantasmatique d'une guerre nucléaire. Et la guerre nucléaire, certains disent, si finalement elle doit éclater, et là, ce sera entre l'Inde et le Pakistan. C'est pour ça que je vous pose la question de savoir si on est dans le fantasme, la peur, ou sur une analyse qui tient la route. Il est certain que si on regarde cette région comparativement à d'autres, c'est celle où les tensions sont les plus vives entre deux puissances nucléaires, voire trois, car la Chine est évidemment toujours en embuscade. Mmh. Et la relation Chine-Pakistan est très forte. La Chine est aujourd'hui le seul pays qui proteste à l'ONU contre la façon dont l'Inde a aboli l'autonomie du Cachemire. Ça n'est pas un hasard, elle le fait à la demande du Pakistan, elle continue à défendre la vision pakistanaise du conflit cachemiri. Donc, oui, on peut penser que si il doit y avoir un jour un dérapage de type nucléaire, c'est dans une de ces zones qu'il aura lieu. Maintenant, on sait aussi que dès qu'ils montent en gamme, ces deux pays sont immédiatement assiégés par les chancelleries occidentales qui cherchent à faire descendre la pression. Et c'est ce qui se passera sans doute à nouveau. Je dirais, la balle, de ce point de vue, est plutôt dans le camp occidental. Et quand on a vu Trump prendre trop de temps cet été à justement monter au créneau, eh bien, on s'est dit peut-être que c'était là la faiblesse du système dans un univers qui est de moins en moins multilatéral. Et puis le Pakistan, la façon dont le Pakistan existe sur la scène internationale, n'est pas très lisible aussi. Donc, ce qui n'est pas lisible est angoissant. Oui. Alors, les choses ont quand même changé, car soumis à des sanctions qui sont très efficaces finalement. Le Pakistan, l'armée pakistanaise a mis au pas de nombreux groupes djihadistes qui jusque-là faisaient le coup de poing côté indien. On peut dire que aujourd'hui, depuis 2008, on n'a pas eu d'attentat d'origine pakistanaise hors Cachemire indien. Mmh. Et c'est déjà quelque chose qui signe une remise en ordre de la maison Pakistan. Et ça, c'est on l'a pas suffisamment souligné, c'est le résultat de sanctions économiques. Ouais. Alors, dernière question, par quoi passe l'avenir de l'Inde? Quel est le dessin de l'Inde? Ses desseins, son destin? Il passe d'abord par une reconnaissance de l'inévitable diversité indienne. Et aujourd'hui, ce qui est à l'origine de tant de tensions, c'est précisément une tendance à ne pas reconnaître la diversité culturelle, la diversité sociale. Et cette forme d'hégémonie qui se traduit par exemple par des tensions entre le Nord et le Sud, comme nous n'en avions pas vu depuis très longtemps, eh bien elle met l'Inde en porte-à-faux avec son identité profonde. Et le risque, le destin, il est là, il est dans cette reconnaissance de la diversité, et le risque, il est dans le déni et dans l'imposition d'une hégémonie nord-indienne, hindoue, indiphone, et c'est là que l'on craint pour l'Inde, qu'on a peur que les tensions qui aujourd'hui font que dans la rue il y a des milliers et des milliers d'étudiants et de manifestants, et bien ça devienne le quotidien. Bien, écoutez, merci infiniment, hein, Christophe Jaffrelot, pour ces éclairages érudits sur l'Inde. Je rappelle deux, en tout cas, de vos livres, donc sous votre direction, l'Inde contemporaine, dont plusieurs historiens y participent. Hein. Oui. Et puis de vous, et vous seul, Christophe Jaffrelot, l'Inde de maudit national populisme et démocratie ethnique, c'est chez Fayard. Et le premier livre auquel j'ai fait référence, lui, est édité aux éditions Pluriel. Voilà, merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Indira Gandhi, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Arnaud Caillé qui était à la technique aujourd'hui.